Vitariho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le journaliste et correspondant de la radio Isanganiro Aruyigi a fait professionnellement son travail en rapportant une info sur la collecte des contributions pour les élections à l'endroit du personnel enseignant de cette province. Vous l'entendrez dans ce journal, vous entendrez dans ce journal le directeur de la radio Isanganiro qui réagit face à la décision du gouverneur qui a suivi la diffusion de l'information. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme se dit satisfaite de la situation sécuritaire et des droits de l'homme au Burundi au 9 février 2018. C'est aujourd'hui en effet que le président de la Commission a sorti une déclaration irrelative. On en parle dans cette édition. Dans cette édition où on parlera également de l'enrôlement des électeurs, le parti Sahwanya Frodebou appelle ses militants à se faire inscrire et pour sa part, le ministère de l'Intérieur appelle les politiciens à ne pas s'immiscer dans le travail des commissions électorales. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le journaliste et correspondant de la radio Isanganiro, Aruyigi, a bien fait son travail en rapportant les informations relatives à la collecte des contributions pour les élections de 2020, une collecte à l'endroit du personnel enseignant de cette province. La déclaration est de Silver Nakarutimana, directeur de la radio Isanganiro. Il réagit à la décision du gouverneur provincial de Aruyigi d'empêcher le journaliste Jean-Claude Nshimiyimana de donner des informations provenant de cette province. C'était mercredi. Silver Nakarutimana dit qu'il a pourtant respecté les règles du métier en cherchant toutes les versions. Suivez. Notre journaliste correspondant dans la province de Ruyigi a fait un reportage sur les grognes des enseignants qui disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent cotiser, même si c'est dit que c'est volontaire pour les élections. Et ils considèrent que c'est une façon de leur faire cotiser deux fois. Et notre journaliste, lorsqu'il a fait ce reportage, il a fait dans le respect des règles du métier, parce que à voir comment le reportage est construit. Au niveau de la direction, nous considérons que tout a été respecté. La loi sur la presse nous oblige de diffuser des informations équilibrées et tout ça dans le respect du code éthique et déontologie. Après avoir diffusé sur nos ondes le reportage de notre correspondant, le gouverneur de la province de Ruyigi a convoqué au lendemain de cette diffusion notre journaliste et il lui aurait intimé l'ordre de ne plus faire une sorte de reportage ou envoyer des informations en rapport avec la province qui se trouve sous son administration. Nous considérons cela comme un refus du droit à la population d'être informée sur tout ce qui se passe à Ruyigi. Et à côté de cela, nous trouvons que c'est injuste à partir du moment que notre journaliste n'a violé aucune loi au vu de comment il a fait ce reportage. Notre rédaction aussi a cherché le gouverneur pour lui donner la parole afin qu'il puisse s'exprimer vraiment sur le cas. Malheureusement, il n'a pas voulu. La direction de la radio a saisi le Conseil national de la communication et nous pensons qu'il est en train de gérer cette question de façon parcimonieuse. J'aimerais rappeler en passant que la loi nous autorise à travailler sur tout le territoire. L'autorité administrative, que ce soit du sommet à la base, a le devoir aussi de nous protéger parce que nous tous, nous partageons le devoir de construire notre nation et garantir et favoriser que le journal et la liberté de la presse soit une réalité au Burundi. Et les autorités administratives doivent collaborer avec les journalistes parce qu'ils se complètent mutuellement. Comme l'indique Terence Nahira, assistante et porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la formation patriotique, même s'il arrive que les deux parties ne s'entendent pas sur l'un ou l'autre sujet, il faut qu'ils se parlent et continuent à travailler en bonne relation. Suivez-le au micro de Gertrude Mawenayo. Les relations entre, bien entendu, l'administration et les journalistes doivent être bonnes en principe parce que toutes ces catégories de personnalités ont un rôle important dans le développement, dans la communication, même pourquoi pas dans le maintien de la sécurité. Comment? En fait, vous savez que les scientifiques font des activités, ils font des réunions, ils produisent des rapports, ils communiquent, n'est-ce pas, pour que ces informations arrivent loin. Les seuls rapports aux écrits ne suffisent pas. Il faut que les journalistes, qui sont les serviteurs des médias, effectivement, communiquent. Il faut qu'ils parlent de ces informations pour qu'en fin de compte, ils arrivent dans le monde entier, si vous voulez. Alors, c'est pourquoi ils doivent collaborer, ils doivent travailler en bonne relation. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le gouvernement a mis en place le CNC, le Conseil National de Communication, et qui doit réguler, justement, cette communication pour qu'en fin de compte, que ce soit au niveau des médias, des journalistes et du gouvernement, il n'y ait pas, justement, d'injustice des uns et des autres. Et s'il arrive qu'ils ne s'entendent pas sur tel ou tel autre sujet, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre les uns et les autres? Effectivement, dit-on en Kirundi que Atazivana Dakubita na Mahembe, c'est pourquoi ça peut arriver, nous sommes des êtres humains. À ce moment, si ça arrive, il faut que celui qui est fautif reconnaisse la faute. Il faut que les deux personnes se parlent d'abord, et puis le fautif, il faut qu'il le reconnaisse, et puis il faut qu'il demande pardon, et puis les relations continuent. Exemple. La semaine passée, ou au début de la semaine peut-être, à professeur Yigi, il y a un journaliste de la radio Isanganiro qui justement a eu des problèmes avec le gouvernement de province. C'était à propos de la communication qu'il avait donnée par rapport justement aux contributions d'élection de 2020 qui étaient en train d'être données par les employeurs du ministère en charge de l'enseignement. Alors, il y a eu une communication, laquelle communication n'était pas claire, et voilà, elle a causé problème. Et bien, c'est que le gouvernement a convoqué le DPI et le journaliste, et puis il les a confrontés et voilà que la situation a été réglée à l'amiable. C'est pourquoi aujourd'hui, le journaliste est en train de faire son travail sans difficulté aucune. C'est pourquoi il faut équilibrer. Pour qu'en fait, le monde entier soit équilibré et éclairé sur la véracité de l'information. Le manque de carte nationale d'identité, le droit de vote au Burundi se trouvant dans les pays voisins, telles sont les inquiétudes soulevées par les habitants de la commune Gihanga à l'endroit du gouverneur de Bubanza lors des explications ce jeudi sur les articles amendés de la Constitution. Tarsis Niongabo, gouverneur de cette province, rassure que même les Burundais vivant à l'extérieur du pays ont le droit de voter. Spes Caritas Kabanyana. Une femme qui représente les anciens occupants de Kagaragara dans la réserve naturelle de la Rukoko a indiqué que ces personnes n'ont pas de carte nationale d'identité. Pour les uns, ces cartes ont été mouillées et déchirées à cause de la pluie. Pour les autres, leurs cartes ont été perdues lors du déménagement improvisé. Et tous, comme beaucoup d'autres, ils demandent de bénéficier des cartes nationales d'identité gratuitement afin de ne pas rater les élections. De son côté, le gouverneur de Bubanza a demandé à l'administrateur de Gihanga de se pencher sur la question des anciens occupants de Kagaragara et pour les autres, ils doivent s'arranger pour trouver 500 francs de cette carte, surtout que c'est le moment des récoltes, comme l'a précisé le numéro 1 dans cette province. Lors de l'explication des amendements de la Constitution, beaucoup d'autres questions ont été posées. Par exemple, si les gens qui ont quitté le pays ont le droit de voter et le conférencier de répondre qu'ils ont ce droit s'ils se font inscrire comme les autres. On a également posé la question de savoir si le président actuel de la République a le droit de se faire élire eu égard aux amendements de la Constitution et la réponse a été qu'il dispose de ce droit. En clôturant la réunion, Tarsis Niyongabo, gouverneur de Bubanza, a appelé toute la population à répondre massivement aux travaux d'enrôlement des électeurs qui ont commencé ce jeudi même. Pescaritas Kabanyana, Gihanga, Radio Isanganiro. Enrôlement des électeurs encore, le parti Sawanya Frodebo appelle ses militants à aller se faire inscrire au rôle d'électeur dans le recensement en cours pour les élections prochaines, dont le référendum prévu au mois de mai. Le secrétaire général de ce parti explique qu'il ne s'agit pas de se contredire vu que ce parti s'était déjà exprimé contre l'amendement de la Constitution. Pour Pierre Claver-Nahimana, se faire enrôler, c'est un droit pour tout citoyen. Suivez Pierre Claver-Nahimana au téléphone avec Placide Niyomungere. Au niveau du parti Sonia Frodebou, nous avons eu l'information que la période d'inscription au rôle pour la participation au référendum constitutionnel est en cours. À cet effet, nous avons réuni nos représentants. Nous avons donné instruction pour que les militants palestiniens Afro-Debout participent à l'inscription concernant le référendum constitutionnel qui est prévu au cours de cette année. Il faut qu'ils se fassent inscrire comme tout citoyen qui a droit de se faire inscrire. Votre parti, Sahwani Afro-Debout, s'était exprimé contre l'amendement de la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, appeler vos militants d'aller se faire inscrire au rôle d'électeur n'est pas une façon de se contredire à ce que vous aviez dit bien avant? Non, il n'y a aucune contradiction en la matière, parce que se faire inscrire au rôle pour aller élire, c'est un droit pour tout citoyen, mais cela n'a rien à voir avec la position que ce citoyen doit prendre lors du vote. Nous leur avons demandé de chercher ces documents qui sont exigés par la CENI pour qu'ils n'attendent pas la dernière minute pour se faire inscrire. Il faut qu'ils profitent de la période pleine pour se faire inscrire. À part, le secrétaire général du parti CNDD-FDD appelle tous les secrétaires du parti avec leurs collaborateurs provinciaux, communaux et collinaires à sillonner toutes les collines du pays pour suivre et d'opérer le déroulement de l'enrôlement des électeurs. Dans une correspondance, Evariste Ndayishimiye leur a demandé de surveiller les activités des agents recenseurs et de donner chaque soir le rapport des personnes recensées dans chaque province. Il leur a aussi demandé de veiller à ce que les personnes ayant l'âge qui puisse avoir les documents nécessaires pour se faire enrôler. Et de son côté, le porte-parole du ministère et assistant du ministre de l'Intérieur demande aux politiciens de ne pas s'immiscer dans le travail des commissions électorales dans les provinces et communes. Terence Naïra Jala dit mercredi dernier, lors d'une réunion d'échange sur les articles de la Constitution qui ont été amendés avec les natifs de la commune Naharangwa. Ce haut cadre du ministère de l'Intérieur a plutôt demandé à ses politiciens de mobiliser leurs membres pour l'enrôlement électoral et la sollicitation des cartes nationales d'identité. Suivez. Quelqu'un a appelé le jeune à venir nombreux pour aider dans l'enrôlement des électeurs. Cela ne suffit pas, il faut aussi appeler les Burundais à aller demander les cartes nationales d'identité. Vous lancez cet appel, mais notez qu'il ne faut pas vous immiscer dans le travail des commissions en charge des élections au niveau des communes et au niveau des provinces. N'allez pas procéder à l'enrôlement des électeurs dans vos quartiers respectifs. Vous avez uniquement le droit de sensibiliser les gens à aller se faire inscrire et demander les cartes nationales d'identité. Le travail qui reste a été attribué au CCSCPI et d'autres gens qui ont été recrutés pour ça. À cela s'ajoutent les forces de sécurité. Que personne ne s'arroge le pouvoir de remplacer les agents de la CENI. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur est Terence Nahiraja, traduction en français de Evariste Nzikobanyang. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, se dit satisfaite de la situation des droits de l'homme et sécuritaire qui prévoit actuellement dans le pays. Dans une conférence de presse animée ce vendredi, le président de la CNIDH a indiqué toutefois que durant la campagne d'explication du projet d'amendement de la Constitution, tous les acteurs concernés devraient se retenir et gérer pacifiquement ce processus. Et concernant la probabilité de 50 000 Burundais qui, selon l'OHCR, pourrait fuir le pays en 2018, la CNIDH trouve que dans le contexte actuel, les gens ne sont pas contraints de fuir, mais estime que les révélations de cette organisation onusienne peuvent être un clin d'œil pour assurer la paix et la sécurité. Francine Diokoubgaï. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme parle d'une situation généralement bonne des droits de l'homme au Burundi, surtout qu'aucun cas alarmant n'a été relevé depuis plusieurs mois, selon le président de cette commission. Au cours de cette conférence de presse, Jean-Baptiste Baribonekeza a indiqué qu'au moment où le pays se trouve en pleine campagne d'explication du projet d'amendement de la Constitution, les acteurs concernés devraient avoir le sens de retenue et rester sereins dans la gestion de ce processus. Concernant les prévisions du Haut Commissariat pour les réfugiés, selon lesquelles 50 000 Burundais pourraient se réfugier au cours de l'année 2018, le président de la CNIDH dit qu'il est difficile de faire des des commentaires sur ces révélations, mais qu'ils considèrent cela comme un clin d'œil. Les réfugiés, généralement, c'est des gens qui fuient des situations, soit d'insécurité généralisée ou encore de persécution personnelle. Et donc, finalement, on est en fait obligé de fuir. Donc, ne connaissant pas les bases, les statistiques sur lesquelles en fait l'OACR se base pour faire ce genre de protection, il nous serait difficile de faire de plus amples commentaires. Mais évidemment, nous considérons ceci comme un clin d'œil. On connaît les causes des déplacements massifs en général. C'est pas au Burundi seulement, c'est aussi en Afrique et dans le monde. Et donc, nous estimons que dans le contexte actuel, au regard du niveau de sécurité que le pays a atteint, nous ne voyons pas des raisons qui feraient que des personnes fuient à cause de l'insécurité. Mais les gens peuvent fuir aussi à cause de la famille, comme vous l'avez constaté, par exemple, à Kirundo et Muyinga. L'important, alors, c'est évidemment de continuer à renforcer la sécurité de manière inclusive, n'est-ce pas, pour que tout le monde se sente en sécurité. Et deuxièmement, assurer aussi, si vous voulez, le développement au niveau de certaines communautés, de sorte, par exemple, que les gens ne soient pas obligés à fuir. La CNIDH a aussi fait savoir qu'il est toujours préoccupé par la résurgence des cas de trafic d'êtres humains et déplore également les sanctions de certains parents infligées à leurs enfants ces derniers jours. Elle appelle cependant l'État et les communautés à adopter des mesures plus protectrices des familles. Merci Francine. Les habitants de la zone Nyakabiga en commune urbaine de Mukaz